bloc 231. Coordonnées 37.85.36.80. Moins 3.95.29.43. Zone déserte. Plantes rares. L'endroit semble inhabitable, mais on peut entendre au loin des créatures, sûrement de taille importante. Elles ne sont pas localisées sur le radar, donc portée estimée à plus de 50 km au nord-ouest. Nous allons maintenant procéder à l'examen de surface. Composition du sol dans les normes SPE, à l'exception du niveau de radiation qui est légèrement plus faible que prévu. Estimation du temps avant d'être une zone habitable, réévaluée à 32 ans. La question maintenant c'est, est-ce que je vais voir ces créatures ou pas ? MKL, quel est le protocole pour les études de forme de vie nouvelle ? Bien reçu. Je reviens au vaisseau lab. Terminé. Je me demande de quoi elles ont l'air quand même. Thank you.